artiste, Ndiko Manyanga. Serafina Kizimana est toujours de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Les ouvriers journaliers de la Régie des Eaux sont en grève depuis la matinée de ce mardi. Ils réclament la revue à la hausse de leur salaire journalier pour subvenir aux besoins de leur famille. Et le directeur des ressources humaines à la Régie des Eaux a promis de s'exprimer à ce sujet dans nos éditions ultérieures. La route Bujumbura-Bubanza, toujours en état de délabrement, les usagers de cette dernière demande de sa réhabilitation. Vous aurez le point avec ma consoeur Lydie Gahimbare qui s'est rendue sur les lieux. Dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parlera des soins palliatifs donnés à un patient en phase de terminale de la vie. Et en actualité internationale, les électeurs américains décident dans les prochaines heures si Donald Trump restera encore 4 ans à la Maison Blanche. Bienvenue à ce journal. Les ouvriers et journaliers de la Régie des Eaux ont observé un mouvement de grève depuis le matin de ce mardi devant les bureaux de cette société située en face de la Braroudi. Ils réclament l'augmentation des salaires passant de 3 000 à 6 000 francs par jour. Ces derniers disent faire face à des risques pendant les travaux de distribution d'électricité et de crise au passe des tuyaux d'eau. Ils précisent que le salaire de 3 000 francs qu'ils reçoivent est insuffisant pour subvenir aux besoins de leur famille. La question a été soumise à leur chef sans issue favorable, ajoute-t-il. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Ce sont des ouvriers journaliers de l'entreprise Régie des Eaux qui ont arrêté leur travail. Ces ouvriers disent que le salaire qu'ils perçoivent est minime compte tenu du travail qu'ils sont appelés à faire. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème des ouvriers journaliers de la Régie des Eaux. Régie des Eaux ne comprend pas que les ouvriers rencontrent beaucoup de risques pour les gens qui vont installer l'électricité. Et les autres qui vont l'accorder l'eau, il y a beaucoup de risques rencontrés dans ce travail. Les ouvriers ont besoin d'augmenter le salaire parce que nous touchons 3 000 francs. Ils ont besoin au moins 6 000. Ces ouvriers journaliers, dans leurs revendications, demandent l'augmentation de leur salaire et l'octroi des contrats de travail. C'est que le petit journalier qu'on va le réclamer, que le chef va comprendre que les ouvriers vont faire le travail avec le salaire pour raccorder ce qu'on veut faire. Nous tous, les Khamés, que j'étais pour gagner au moins 6 000 par jour. Les contrats eux-mêmes ont fait 10 ans, 5 sans contrat. Et vous rencontrez des risques. Ces ouvriers journaliers, au nombre qui avoisine 500 personnes, sont répartis dans différentes sections. Ils signalent qu'ils viennent de passer 2 ans sans contrat de travail. Merci à Jean-Marie Mayonga. Contacté à ce sujet, le directeur des ressources humaines à la Régie des Eaux nous a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Page éducation. La direction de l'éducation en province Karoussi se réjouit de la première place décrochée par cette province à l'examen d'État pour les classes terminales des humanités générales. Le directeur de l'enseignement en province Karoussi explique que Karoussi a été première suite à la détermination de tous les partenaires en éducation de l'État avec Pascal Kararoumi. La province scolaire de Karoussi s'est classée la première dans le pays après les résultats de l'examen d'État, session 2020. La province a enregistré une réussite de 66% et a pu décrocher plus de 70% après avoir ajouté les points scolaires. La deuxième province, qui est la province scolaire de Muyinga, a eu une réussite de 40,7% avec 47,6% après l'ajout des points obtenus en classe. La province de Bitoke, qui est la dernière, en a eu 16,7% à l'examen d'État et a pu décrocher 25,4% avec les points scolaires. Les responsables de l'éducation dans cette province Karoussi informent que cela fait la troisième année que la province de Karoussi occupe les premières places, que ce soit à l'examen d'État, mais aussi au concours national. Entre autres stratégies que le directeur provincial de l'enseignement de Karoussi indique, M. Stanley Manirakiza fait savoir que Entre autres stratégies que le directeur provincial de l'enseignement, Stani Manirakiza, indique, c'est notamment l'encadrement à proximité du personnel, l'organisation des évaluations d'ensemble à des différents niveaux, depuis l'école, les réseaux scolaires, les directions communales de l'enseignement jusqu'à une évaluation provinciale. Il fait savoir qu'avec ces évaluations, à chaque niveau s'organise une réunion d'évaluation des résultats obtenus et faisant ainsi une remédiation. Dans ces réunions se rencontrent tous les concernés, les élèves, les enseignants, les directeurs et les représentants des parents, et que chacun apporte sa contribution pour l'amélioration des résultats. Manirakiza Stani termine en remerciant tout individu qui a contribué pour arriver à cette étape et recommande un effort de plus afin de pouvoir bien se préparer aux évaluations nationales de cette année scolaire en cours 2020-2021. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci à Blaise Pascal Kararumi et de Karusi, cap sur Ngozi, où 36 personnes sont détenues depuis ce mardi matin au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Elles ont été arrêtées lors d'une fouille perquisition opérée conjointement par la police et l'administration au quartier Muremera, en bas du lycée Don Bosco. Bon nombre de ces dernières n'avaient pas de carte d'identité. Des sanctions administratives seront appliquées à ces dernières pour les relaxer après, disent les responsables administratifs et policières et policiers. Parmi ceux appréhendés, un homme avec plus de 500 litres de la boisson prohibée dite kibarbe. Celui-là est déjà à la prison pour homme d'Ngozi. Le matériel utilisé dans la fabrication de cette bière, notamment des bagages et bidons, ont été saisis. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé. À présent, les soins palliatifs proposés à un patient dépendent de la gravité de la maladie. Le gynécologue Gabriel Nahayo, président de l'association burundaise de lutte contre le cancer, avait expliqué lors de la précédente chronique que ces soins sont généralement donnés à un patient en phase terminale de la vie. Il signale qu'ils peuvent être administrés dans des services hospitaliers, mais aussi à domicile. Les détails dans cette chronique avec Ornella Mucho. À part le soulagement de la souffrance, les soins palliatifs peuvent être proposés aux patients ayant d'autres symptômes gênants. Le gynécologue Gabriel Nahayo, président de l'association burundaise de lutte contre le cancer, précise que les aspects psychologiques et spirituels font également partie des soins palliatifs. Les patients qui ont des symptômes qui n'altèrent pas la conscience, qui n'altèrent pas la personnalité, peuvent garder leurs responsabilités. Et garder la responsabilité dans la vie, ça fait partie d'une assistance. Lorsqu'on vous retire la responsabilité, on vous retire une partie de votre vie. Donc, si la famille continue à consulter la personne, mais à côté de cela, il faudrait peut-être faire noter également que la famille qui a un patient en phase terminale de vie, elle est également en position de précarité, il a besoin d'assistance, et l'assistance économique, financière, l'assistance sociale, l'assistance spirituelle peut également s'adresser à ses familles, à la famille entière. Ces soins peuvent être administrés dans des services hospitaliers, mais aussi à domicile. Selon le type de soins qui sont administrés, ils peuvent être proposés à l'hôpital. Les soins palliatifs sont administrés dans l'ensemble des services hospitaliers, notamment pour la lutte contre la douleur. Mais même pour les patients qui sont en phase terminale de vie, il y a quelques individus qui peuvent bénéficier de soins palliatifs à domicile parce qu'il y a un membre de la famille ou il y a une association, un membre d'une association qui se présente. Il indique qu'il y a manque de centres spécialisés en soins palliatifs au Burundi. Dans d'autres pays, il y a des centres qui sont spécialisés pour accueillir les patients, proposer les soins palliatifs et lorsque seulement c'est devenu indispensable, le patient se rend à l'hôpital. Mais dans ces centres, vous avez une intervention multidisciplinaire avec des médecins, avec des prêtres, avec des infirmiers, avec des assistants sociaux, avec même des membres de la famille. Bien qu'il n'y a pas ces centres spécialisés, la formation des gens en ce qui concerne les soins palliatifs s'avère toujours nécessaire, signale Docteur Nahayo, il précise que cela permettra de mieux comprendre les formes de professionnalisation auprès des malades. Merci à Ornella Moucho pour cette chronique santé. Des nids de poules s'observent sur la route Bujumbura-Mubanza, passant en zone urbaine de Chibitoke. Les usagers de cette route, surtout les transporteurs des personnes et des biens, déplorent cet état de route qui endommage leurs véhicules et demandent aux autorités habilitées de réhabiliter cette route pour le bon fonctionnement des activités génératrices de revenus et des taxes et impôts qui entrent dans le trésor public. Les détails avec Lydie Gahimbad. Nous sommes sur le boulevard Lieutenant Général Adolphe Chimilimana, séparant les quartiers Mutakula et Chibitoke. Sur cette route, on ne distingue pas la piste réservée aux piétons et l'endroit réservé aux véhicules à cause des nids de poules qui s'observent sur cette route. Les usagers de cette dernière, que ce soit les piétons ou ceux qui se déplacent avec des véhicules, ils cherchent tous à passer sur un espace non encore abîmé, ce qui cause souvent des accidents. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Sanganiro déplore même le manque de clients suite à cette route délabrée. Nous subissons des conséquences liées au délabrement de cette route parce que ça peut arriver même que les clients refusent de se déplacer avec nos véhicules en disant que ça leur fait du mal. Vous voyez ici, la route est en mauvais état. Nous avons des problèmes de déplacement. Quand la pluie tombe, les bouts sont bouchés au milieu de la route. Ça cause même des accidents. Ils expliquent également que leurs véhicules sont souvent endommagés, ce qui ne facilite pas leurs activités quotidiennes. Les usagers de cette route demandent aux organes habilités de reconstruire cette route afin de travailler dans la tranquillité. Merci à Lydie Gahimbare. 5 convois de rapatriés sont attendus cette semaine. Propos du porte-parole du ministère de l'Intérieur ce mardi, dans une interview accordée à la radio Isanganiro, Pierre Ngurikiye fait savoir que parmi ces convois, 4 sont en provenance de la Tanzanie et un autre en provenance du Rwanda voisin. On l'écoute. Cette semaine, je vous dirais qu'on va accueillir pour la première fois 5 convois, parce qu'on n'avait pas encore accueilli 5 convois par semaine, mais cette semaine, on va accueillir 4 convois en provenance de la Tanzanie et un convoi en provenance du Rwanda. C'est la première fois qu'on va accueillir 5 convois par semaine. Donc, le mouvement de rapatriement a accéléré ces derniers jours. Ces derniers jours, les réfugiés rentrent massivement des pays voisins, spécialement la Tanzanie, le Rwanda, la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a aussi d'autres pays pour lesquels on va passer au rapatriement, faciliter. Si je citerai la Zambie, on a déjà fait des contacts très productifs. Il y a l'Ouganda, donc le camp des réfugiés de Nakivale. Vous savez qu'il y a des réfugiés qui ont déjà adressé une lettre à son Excellence le Président de la République du Burundi pour lui demander de faciliter leur rapatriement. Et bien maintenant, le ministère est à l'œuvre pour les préparatifs techniques pour qu'on puisse débiter aussi le rapatriement de ces frères burundais qui se trouvent dans le camp de Nakivale en Ouganda. Actualité internationale. En actualité internationale, les électeurs américains décident ce 3 novembre si Donald Trump restera encore 4 ans à la Maison-Blanche. Le président républicain sera face à un candidat du Parti démocrate, Joe Biden, mieux connu pour avoir été vice-président de Barack Obama. Mais Biden fait de la politique aux États-Unis depuis les années 1970. À l'approche du jour du scrutin, les instituts de sondage évaluent les intentions de vote des Américains en attendant aux électeurs. Quel candidat préférait-il? Joe Biden en tête des sondages avec 52% et Donald Trump avec 44%. Les sondages au niveau national sont un bon indicateur de la popularité d'un candidat dans l'ensemble du pays, mais ils ne sont pas nécessairement un bon moyen de prédire le résultat de l'élection en 2016. Par exemple, Hillary Clinton était en tête dans les sondages et a remporté près de 3 millions de voix de plus que Donald Trump, mais elle a quand même perdu. C'est parce que les États-Unis utilisent un système de collège électoral. Donc, gagner le plus de votes ne vous fait pas toujours gagner l'élection. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.